Sweet talk and nice before we go. Do the taste when good can go. My soul's going up like the other. Sweet talk and nice before we go. Do the taste when good can go. My soul's going up like the other. Sweet talk and nice before we go. Do the taste when good can go. My soul's going up like the other. Vas-y, éteins tout. Chelou de voir un pape tout, rappeur qui dévale tout. J'cavale mais jamais dans le temps, comme dans Code Quantum. Attends, ravale bien, j'me barre, j'm'en fous connard, j'ai tous les atouts. Aucune patience qu'on se le dise, fallait bien que ça arrive, bye, j'vous fais pas la bise. Un peu de tease dans le sac, ceci dit, j'canalise, j'brise la glace. Rendez-vous paradis, fils. J'ai pas le temps, faut que j'm'en aille. Un meilleur monde m'attend, j'taille loin de ces canailles de Satan. J'éteins tout, ce que j'vois m'brûle les yeux. J'crois en celui où j'toucherai, de peu les cieux, frangin, balance tes tracas. Là où on va, c'est Nirvana, y'aura tout, même plus qu'on croit. De toute façon, c'est fait, j'ai éteint tout y'a quelques mois. Partons loin d'ici, qu'on se dise, c'était autrefois. To the place when good can go. My soul's growing up like the other. Sweet talk and nice before we go. To the place when good can go. My soul's growing up like the other. J'éteins tout, je me barre d'ici, j'irai n'importe où, je suis encore indécis. Et si on pense que je suis pas net, que je pète un fusible, possible, je me sens pas à ma place sur cette planète, c'est tout. Donc j'éteins tout, marre d'ici, je vais là où le vent me porte, là où la poussière se dissipe. Je suis pas corvéable, à merci, loin d'être un mouton, merde, loin d'être un putain de disciple. J'éteins tout, je pars sans but précis sur la lune, sur Mars, à des années-lumière d'ici. Je pourrais aller partout sur la Terre, je suis sûr qu'on me cassera les couilles jusqu'à ce qu'on m'enterre. Alors j'éteins tout, je me casse avant qu'on m'interne. C'est dur d'avoir des pensées aussi ternes, frangin. Je passe ma vie dans un fauteuil où je me suis mal assis. Viens, on va faire du son dans une autre galaxie. Sweet,